Toujours d'après la même presse, des formations civiles sud-coréennes et japonaises ont livré le 13 courant à Tokyo une manifestation pour la paix contre la guerre. Rappelons que depuis 2006, à l'occasion du jour de la défaite de l'impérialisme japonais, elles manifestent pour la paix et contre la visite au temple Shinto Yasuguni, où se trouvent les tablettes funéraires des criminels de guerre de première classe de l'impérialisme japonais. D'autre part, les médias sud-coréens comme News 1, Le Quotidien du Monde et Le Quotidien du Peuple font savoir que les partis de l'opposition sud-coréen élèvent la voix contre l'accord sur le problème d'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise.